22-12, observation. Communication téléphonique, appeler, rappeler. Je viens d'appeler Mireille. Elle n'est pas là. Je vais la rappeler dans une heure. Rappelez-vous qu'il y a un changement de voyelle entre rappel et rappeler. Notez qu'il y a aussi un changement orthographique. Rappel, rappeler. Je te rappelle dans une heure. Tu me rappelles dans une heure? Elle nous rappelle dans une heure. Il nous rappelle dans une heure. Vous nous rappelez dans une heure? Nous vous rappelons dans une heure.